première lettre de France, c'est le F. Chantons tous bien en cadence, D-E-F. Et recommençons avant, s'il vous plaît. A, B, C, A, B, C.